Bonjour Émilie. Bonjour. Donc, je t'ai présenté un peu Hack Your PhD. Est-ce que tu pourrais présenter ce que tu fais dans le cadre de ton doctorat? En fait, moi je travaille en sociologie de l'éducation. Mm-hmm. Donc je m'intéresse à comment les savoirs circulent en sociologie, particulièrement dans des réseaux africains et occidentaux. Donc pour voir comment les savoirs circulent dans le contexte de l'internationalisation, est-ce que ça s'internationalise? Là où ça renvoie à la science ouverte, c'est que c'est toute la question des bases de données bibliographiques, des éditeurs commerciaux, donc toute la domination des savoirs qui fait qu'on n'a pas beaucoup accès, que les savoirs des autres ne circulent pas beaucoup librement. Les nôtres aussi, mais également ceux des autres, que j'aimerais qu'ils soient plus présents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans la recherche? Est-ce qu'il y a un point majeur? Le point majeur, pour moi, c'est un manque d'ouverture d'abord à ce qui est produit, à la production scientifique en dehors de l'Occident, mais c'est aussi à la fermeture, puis au mouvement comme d'enclosure là, du savoir. Donc, on n'a pas... La fermeture du savoir. La fermeture du savoir, oui. On doit avoir accès publiquement à ce qui est issu de la recherche publique. Et qu'est-ce que tu verrais, vers quoi tu aimerais que la recherche tende demain? À beaucoup plus d'ouverture, à beaucoup plus de travail collaboratif, à beaucoup plus d'autocritique. Même pour nous, quand on fait un doctorat, ça manque de moyens de se critiquer, de travailler ensemble, de collaborer. Bon, il y a des... De la critique positive. Critique positive, oui, c'est ça. Tu sais, il y a des disciplines, par exemple, en psychologie, où on travaille beaucoup en équipe, mais il y a beaucoup de disciplines où on travaille tout seul. Ouais. D'accord. Donc, la critique positive et pour sortir d'un isolement. Exactement. Et diffuser en libre accès... évidemment, la recherche. Et donc, toi, ce serait un moyen, ces moyens-là, à mettre en place, ce serait quoi? Déjà, peut-être des groupes de travail. Il manque ça juste au niveau des étudiants, il me semble, des groupes de travail. Travailler ensemble, puis travailler vraiment profondément ensemble dans la complexité. Pas juste se renvoyer un papier, puis le relire vite, mais travailler ensemble, parce que c'est hyper riche de travailler à plusieurs mains sur un document ou sur un article ou sur une présentation, par exemple. D'accord. Donc, plus de collaboratifs à mettre en place. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir.